CFOU 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou, édition complète pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2013. Salut Steph! Salut Matt! Yeah, on a fait notre petite sieste, on a fait notre petit row. et on est prêt pour une édition complète des Palmarès. On a mis notre bavette puis notre couche là, pour pouvoir sortir toutes sortes de fluides de partout. Un petit peu de poudre pour bébé aux bons endroits, dans les bons orifices. Oui, le nez, les yeux et la bouche. Exactement. Donc, édition complète, pourquoi? Parce qu'on va passer 3 heures ensemble à écouter les top 20 francophones et anglophones de la semaine. On va savoir d'ici la fin de l'émission si du côté anglophone, le numéro 1 est toujours The Dreams in the Ditch par Dear Tick. Et du côté francophone, est-ce que c'est toujours Supernova de Brady Cardi? On va aussi avoir les instants classiques d'assemblage requis. On a le Palmer Rest in Peace. Wow. Ailleurs dans les Palmer Rice. Oh, wow. Hey, c'est écœurant. Mais je pense qu'on devrait commencer par le commencement. Hein? Oui, c'est-à-dire quoi? Les Palmer Rice, c'est fou. Édition New Shit. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou édition New Shit pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, on est dans la portion New Shit des Palmarès C'est Fou, c'est-à-dire qu'on va entendre pas mal de nouveaux stocks et ce pour une bonne grosse première partie d'émission parce qu'on a 6 nouvelles entrées. Quand même! Non, c'est incroyable. Plus tard, on va entendre Pendentif, David et les Bois, Julian Fields, Dr. Dog et Solids. Mais je pense qu'on va commencer du côté francophone, la 20e place francophone, et c'est Léa dans les magazines de Panache. Tu es en train de dire qu'on commence par les positions avec le chiffre le plus élevé? Oui, c'est ça. Qui sont en bas. Exactement. C'est tout mêlant, ça, alors, là. Mêlant. Mêlant, là. Est-ce que tu essaies d'imiter mon accent? Non, j'essaie de parler de Miley Cyrus. Ah! Connaître entrée. Un bloc, disons-le, solide, qui a du panache. C'était Solid avec Traces. Et du côté francophone, tout juste avant, on a entendu Léa dans les magazines de panache. Ouais, ben tu vois que j'ai pas fait de blague avec Trace, là, parce que... Genre, j'aime pas cette chanson-là, elle me laisse une trace de blague dans les... Des traces solides. Oui, des traces... Oh, bizarre. Est-ce que tu peux avoir des traces solides? Ben, j'imagine s'ils sont en trois dimensions, ça dépend des traces de quoi. Avec une imprimante 3D. Tu peux avoir des races solides? Non, tu peux avoir des races solides. Ça a l'air bizarre, par exemple. Ouais. Ouais, je sais pas. Solide! Déplacé un peu. Donc, c'est la 20e place, malaise. On va passer au 19e, il nous en reste encore 4 à entendre les nouvelles entrées. Donc, du côté anglo, en 19e, c'est Dr. Dog avec Broken Heart. Et du côté francophone, on va entendre Feu Follet de David et les Bois. Puis on est chanceux, c'est pas David et les Ferrons, c'est David et les Bois. Une chance. Ah, ceux qui connaissent David Ferron comprennent. Ceux qui comprennent pas, vous manquez quelque chose. C'est tout ce que je peux mais vous dire. Mais c'est tellement affectueux. Ah oui, une vraie belle petite bête. Okay, lui, il est affectueux ou? Je sais plus, il zing en tout cas. C'est ça. Vous êtes pas dans la CFO édition, New Shit! Et une ronde est bourgeon sumite voile. Nouvelle entrée. Dr. Dog et Broken Heart, position numéro 19, nouvelle entrée en anglophone. Et du côté francophone, on a entendu Feu Follet de David et les Bois. Ah, ça, c'est un bloc. Hey, je me demandais, Mathieu, là. Oui, Dr. Stéphanie. Dog, là, c'est lui qui a inventé le Dr. Ballard? Peut-être. Parce qu'ils sont chums. Peut-être. Et ouais, c'est le cousin du Dr. Pepper qui a inventé le poivre. Qui a inventé le poivre? Je sais pas. OK. OK. Donc, ce beau petit bloc de 19e place, ben, n'est pas le dernier parce que, tu sais, je veux dire, 6 nouvelles entrées, c'est quand même pas mal. On va remplir la première demi-heure d'émission avec ça. Penses-tu? Je pense que oui. Du côté anglophone, la 18e, c'est June in the Fields avec Endemancy. Alors que du côté francophone, faut pas se tromper, là, le titre de la pièce est Panache. de l'artiste Pendentif. Parce que tantôt, on se rappelle qu'on a entendu une nouvelle entrée de Panache avec d'autres choses, les rares dans les magazines. Ça devient mêlant, hein? Ben, vraiment. En tout cas, on va juste espérer que Panache ne fasse pas une chanson qui s'appelle Pendentif, parce que là, ça pourrait être vraiment perturbant. Est-ce une pièce Panache de Panache? Panache de Panache? Sur l'album Panache. Je sais pas, j'ai comme une panne de blague. Une panne H. C'est des palmarès, c'est fou, édition New Shit. Il avait dû se passer quelque chose, oh yeah. Passer les fenêtres, passer le nouveau monde. Marcher dans les rues lorsque tu s'illumines. Au dehors, les maisons sont les mêmes, mais pour nous pas un problème. Et je danse. Danse, danse. Rendez-vous au bas des éoliennes. Il avait dû se passer quelque chose. Il avait dû se passer quelque chose. Oh yeah. Sauter les barrières, les bombards d'urgence. Sauter les radars au nom de la dame blanche. Au-delà, les maisons sont les mêmes. Mais pour nous, entrée. Good to be part of it now. It was needed to be free a little time on my own. What I had to find, I could only find it alone. But now it's good, I've solved it out. Now it's good, I can say it out loud. But don't really need to say it out loud. There's still a part of you shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Slowly, just take my hand, teach me how to surrender. I believe our love it could grow deeper. It was needed to be free, sailing towards the shore, a little older and wiser than before. Something's waiting for me, and I know I own the key. Well, I know I own the key, and there's still a part of you shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. But never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. June in the Fields, position 18 anglophone. Nouvelle entrée, c'était Andaman Sea. Et du côté francophone, c'était Panache de Pendentif. Moi, je pense que les six, ce sont mes préférés. C'était bon, oui. Ouais. Mais, je veux dire, June in the Fields, c'est je veux dire, c'est une valeur sûre, là. Ça, c'est Jean-Michel Renaud de East Roll, formation de Shawinigan. Exactement, et vétéran des palmarès, comme on dit. On le dit jamais en nom parce qu'on trouve ça vraiment laid comme mot, mais vétéran. C'est ça? Pourquoi vétéran? C'est ça, hein? C'est vétéran, hein? Oui, mais pourquoi tu le mot féminin? Ah, parce la formation? La pièce ou la formation? La pièce? OK. OK, c'est bon. Okay. Mais je savais juste pas pourquoi tu voulais donner un mot féminin. Je ne sais pas, j'ai des tendances comme ça, que voulez-vous? Féminine? Oui. Maintenant qu'on a entendu six nouvelles entrées dans nos palmarès de cette semaine, ça veut dire qu'on doit dire au revoir à six pièces. Donc, on palmarès in peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Ma vie est comme ça. Impossible. Une année de travail. c'était des extraits des pièces qui ont quitté les Panorama C'est Fou depuis l'édition du 21 octobre au 27 octobre, finalement, 2013. Deux fois le même mois. C'est ouais. Donc, on a dit au revoir à Petit Pain de Panache qui est resté sur le palmarès pendant 7 semaines. Ensuite, la plus ou moins passagère Coup de vent de Summerland qui a duré 8 semaines. Ensuite, on a dit au revoir à Une année de travail de La question qui est restée 7 semaines. Cette pièce-là va vraiment être regrettée, dans mon cas, parce que je l'adore. Ensuite, The Cat Empire, un autre classique, Brighter Than Gold, 10 semaines. Quand même, mais resté 10 semaines. Tout à fait, mais on n'était pas tannés. On en veut une autre, on en veut une autre. Terrible. Ensuite, on a dit au revoir à Battery Ram de PacAD qui est resté 7 semaines. Et finalement, Paper Maps avec The Hedonist 7 semaines. Je dirais que c'est un bloc de quand même classique pas mal, ça. Mais sais-tu, je regarde ça, puis tabarouette, mais je vais m'ennuyer. Ouais. Mais c'est ça, on le dit à chaque fois qu'on va s'ennuyer des pièces et qu'on va continuer de les faire jouer, mais on a tellement un top 40 de feu juste à ma gauche qu'à un moment donné, on fait jouer juste ça parce qu'elles sont bonnes, puis il n'y a personne d'autre qui fait jouer assez fou à part nous autres. T'sais. Pas grand monde qui fait jouer du palmarès assez fou, donc faut bien qu'on s'en occupe un petit peu. Hein? On va dorloter nos pièces. Voilà, donc c'était Palmarès in Peace. On fait ça chaque semaine au Palmarès C'est Fou pour dire au revoir à ce qui nous a quittés. Maintenant qu'on a entendu nos nouvelles entrées, ce qui nous a quittés, ben allons-y avec un bloc de milieu de palmarès. Donc, on va faire un bloc on va faire un bloc pour l'instant de juste deux. Je me rends compte qu'on est à la moitié de l'émission. Donc, du côté anglophone, c'est Fairtrade avec Don't Get Heavy qui descend de 7 places. Et du côté francophone, c'est J'aime ça de les Handlaps. On parle à ces fous éditions. New shit! New shit! New shit! Vulgaire! New shit! New shit! Je me sens libre, peu importe où l'on va, car avec toi le monde n'existe pas. Tracas, prends-moi, c'est pour ce que j'aime ça. Quand tous les deux on rit aux éclats, et tout d'un coup on ne bouge plus d'un iota. Et tout d'un coup on ne bouge plus d'un iota. C'était Fur Trade et Don't Get Heavy qui descend de la 10e à la 17e place. Ou comme tu l'as dit si bien, viens pas trop grosse. Ah, ça fait deux semaines de suite qu'on le dit, mais c'est ça, c'est it's a curse. Mais oui. C'est comme ça. Ça nous reste dans la tête comme une vraie malédiction. Oui, tu tournes dans ma tête comme la vaisselle. On l'a fait aussi la semaine passée. C'est comme si on était une reprise en ce moment. C'est le jour de la marmotte. Sauf si on est une reprise, là, c'est juste normal que ce soit une reprise. Ah, ça veut dire que les gens qui nous écoutent live et qui nous écoutent deux fois en reprise ont entendu ce gag-là trois fois. Fait que là, ils sont rendus en quatre parce qu'on n'est pas en reprise. Mais là, peut-être qu'on est en reprise. Peut-être. Parce que là, je veux dire, on l'anime là. Fait que là, présentement, on sait qu'on n'est pas en reprise. Fait que là, vous êtes soit rendus à 4, 5 ou 6. C'est comme ceux dans les émissions qui sont rediffusées qui disent genre demain ou sauf pour ceux qui nous écoutent en reprise ou un demain. Là, c'est après, c'est hier, puis là, c'est aujourd'hui, c'est demain, peut-être qu'il explose. Pow! Et du côté francophone, en 17e place, ça a descendu de deux places et c'est J'aime ça de les Handclaps. On est rendu aux positions numéro 16. Du côté anglo, c'est Nico Case et Man qui est stable. Et ça a descendu de deux places du côté francophone et c'est Princesse Carnivore de Violette Pie. On parlera de ces faux éditions. Et New Shit! Yeah! Ashley! Bravo! Belle, même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, même si tu as mis ta petite robe d'été. Il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Les pieds dans le sable, le soleil jaune d'un dos, rien ne pourrait être plus beau. Mailles et ton chapeau de paille, rien ne pourrait être plus beau que toi. Il y a des fleurs partout par terre, il y a du steak partout sur ta robe. Tu es une fleur carnivore. Je suis une fleur carnivore. Même si tu es belle, même si tu es jolie, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Même si tu as mis ta petite robe d'été, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Tu es une fleur carnivore. Je suis une fleur carnivore. Même si tu es belle, même si tu es jolie, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Même si tu as mis ta petite robe d'été, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Me. I'm not the one. directly. And if some dipshit drunk on the pink perfume, then I am the man in the fucking moon. 'Cause you didn't know what a man was until I saw you. Nico Case et Man Stable en 16e position anglophone. Et du côté francophone, c'était Princesse Carnivore de Violette P. Ouh, c'est dit avec un ton si posé. Maintenant, on va faire un bloc 15-14. Par contre, on va sauter par-dessus la moitié. C'est donc ce qu'on appelle un bloc 50-50, toi. Hein? 50-50, on peut-tu gagner de l'argent? Non. Hein? Non, des jujubes peut-être. Quoi? Des jujubes, t'as dit? L'oreille qui fait roux comme un chat. Jujubes, Donc, du côté anglophone, on va sauter par-dessus la 14e qui est Braids, qui monte d'une place, mais on va entendre la 15e, c'est MGMT avec Your Life is a Lie. Et du côté francophone, on fait l'inverse. On saute par-dessus la 15e qui est Les Coloriers d'Alex Nevsky. Alors, on va entendre la 14e, ça a monté de 6 places et c'est Tout explose des chercheurs d'or. Préparez-vous pour le bloc qui fit le moins de toute l'histoire. De l'humanité. Vous en croirez pas vos oreilles. Le top parler, c'est fou. Here's the deal. Open your eyes. Your life is a lie. Don't say a word. I'll tell you why. You're living a lie. Your life is a lie. As you deny, you ever lied. Wondering why. Barely alive. Count your friends on your hands. Now look again. They're not your friends. Hold your breath. Everyone left, no surprise, living a lie. Tell your wife, this is your life, you left a lie. This is your wife, now she knows, she understands. Her life is a lie, nobody wins. Try not to cry, you will survive. On your own. Lessons in life. Life is a lie. Now there's no time. Wondering why. Where in the world is that girl who knows it's alright to live a life. Waiting to die, not knowing that your life is a lie. Wondering why nobody writes. Hollow inside, bitter delight. Fire and ice, your life is a lie. L'AGE UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. Non, je n'aurais jamais pu penser que tout erreur avait son bon côté. Toi, tu lis l'avenir dans nos traces et tu gardes beau à la surface. tout explose. On n'a rien vu venir, ni le temps d'éviter le pire. Quand cette voix s'enflamme, tout explose. Qui t'habite? Et dis-moi, qu'en feras-tu ensuite? Mon secret, j'ai marre de te l'écrire. Les baisers sont les seuls mots pour me dire. Les chercheurs d'or et tout explose. Position numéro 14 qui monte de 6 places. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté anglophone, là, on a entendu la 15e place. C'était Your Life is a Lie de MGMT. Ben oui. Il nous reste très peu de temps à l'édition New Shit des Panneurs assez fous. Donc, on va sauter par-dessus plein de choses qu'on dira, ben, qu'on peut dire là. Je pense qu'on peut bien les dire là. Donc, on va sauter le bloc des 13, 12 et 11 anglophones. En 13e, c'est Royal Canoe et Bathtubs. En 12e, c'est Stable, Imaginary Cities et Sooner or Later. Et en 11e, c'est Beja Bullott avec Promise Not to Think About Love. Du côté francophone, on va seulement sauter par-dessus la 12e et la 11e place. Donc, la 12e place qui a monté de 6. Et c'est « Ses bottes sont faites pour marcher » de Michello. Et finalement, on saute par-dessus la 11e. Ça a monté de 1. Et c'est « J'aime quand tu m'appelles mon amour » de Sonny Duval. Donc, on s'en va entendre la 13e place. Et c'est « Map Monde » des Sœurs Boulay. Tout de suite. Pas mal assez fou. Exactement. Tu ne présenteras jamais ta mère. Ni tes amis, ni même le gars avec qui tu vis. C'est pas que t'es pas fier, mais ils comprendraient pas. Je t'embrasserai jamais dans le métro. J'attendrai sagement les blackouts au cinéma. J'encerclerai pas de date au calendrier. Mais permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Prie pas si je regarde mes emails toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Pense à moi sans compter les jours, sans compter les tours de mon cœur qui vire de sourd. Voilà. J'ai jamais voulu être à toi. je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand se prendre. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si. Si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Les Sœurs Boulées, Map Monde, pièce triste, 13e place francophone. Et c'est tout pour cette édition. Oh, chut, dépendant, c'est fou. Je me serais fait griller des guimauves, moi. Oui. C'est un feu de camp. Ah. Avec des saucisses, ketchup. Reliche. Moutarde. Cornichon, choucroute. Choucroute, je gagne. Choucroute, ça va. Non, mais on le sait, c'est comme roche, papier, ciseaux. Choucroute, ça prend le dessus de tout. Et voilà. On se retrouve dans quelques minutes pour certains et demain pour d'autres. Si vous écoutez la version quotidienne. Oh non, je suis encore mêlée. À la prochaine. Salut! Bienvenue au Palmarès Info édition Top 10 pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Le gars qui enregistrait ça, il écoutait pas le Palmarès Info pour rire de même. Parlant de rire dans le vide, tantôt rire jaune, tantôt on aura les instants classiques d'assemblage requis, c'est savoureux. Rire jaune, ça c'est-tu rire et avoir envie de pipi en même temps? C'est quand ça te monte jusqu'à la face. Arc. Les mots, ça dit. Donc, du côté anglophone, la 10e place qui va commencer notre émission. Évidemment, c'est le top 10, donc on joue à partir du top 10. Ce sera Dire Straits et Sleep, ce qui descend de 2 places. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va l'entendre l'homme éléphant de El Motor qui a monté de 6. Un éléphant qui rit, hein? Ça trompe, ça trompe. L'éléphant un éléphant qui rit, ça trompe énormément. Et conne qu'on n'arrête pas de chanter à la radio, hein? Sleep Sick par la formation Dinosaur Bones. Ça descend de deux places en 10e position anglophone. Et du côté francophone, c'était l'homme éléphant de El Motor. Commence bien ça. Commence bien ben le top 10. S'imagine si le top 10 est de même, comment le top 9 va être meilleur encore. Et pas personnellement parlant, parce que j'imagine qu'à chaque position, ça doit augmenter proportionnellement ou exponentiellement, hein, j'imagine. Ben, moi, je pense que non, parce que les tunes, ils s'interchangent de place. Ah. Ils sont toutes bonnes. Ah! Ouais, un jour, je comprendrai ces palmarès. Ça m'échappe, ça m'échappe. Numéro 9, du côté anglophone, c'est The Dang. C'est Experimental Fiction qui descend de 4 places. Et du côté francophone, ça monte de 2. C'est Tant pis pour nous de Bravo Funken. Tant pis pour? Tant pis pour? Tant pis pour qui? Tant pis pour nous. Non, mais je parlais pas de pipo. Tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Ton pipo est pour nous. Pour nous tous, partageons mon pipo. Attends. C'est un peu de la prostitution. Tant pis c'était The Dang, c'est Experimental Fiction qui descend de 4 places en 9e position anglophone. Et du côté francophone, c'était Tant pis pour nous de Bravo Funken. Ouais, tu sais quoi, tantôt on va entendre les positions évidemment numéro 8, Medicaid Club et Ostra. Mais avant ça, ce qui me fait penser, tu sais, un fruit, mettons un ananas, ouais. Ça me fait penser à Assemblage requis, tu sais. Parce que, tu sais, je veux dire, ça met du piquant dans votre matin, l'ananas piquant, ça. Hein? Tu sais, ça fait rire jaune. Tu sais, un ananas, c'est jaune, hein, ouais. À l'intérieur. Puis, ben, quand t'enlèves le cœur, il y a comme un gros trou dans le milieu, là. Voici. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 28 octobre 2013. J'ai une petite blague. Oui. Oh, parce que là, il y a des manifestations. Mm-hmm. L'année passée, c'était le printemps érable. Oui. Là, c'est l'hiver. Tu penses que ça va être l'hiver sapin? printemps érable. Ça va être piquant? Non, mais c'est parce que c'est le printemps érable. Oui. Hiver sapin. Ah, oui. Fun qu'il y ait un bruiteur dans votre studio avec des petites cloches. Ouais. Des grelots. Oh, beau, oui. Bonne année au bac vert. Oui. Bonne semaine. Bonne semaine de ben oui, de déchets. De réduction des déchets. Je m'empêche de péter depuis le début d'entretien. On fait pas de blagues de pète assez fou. Attention aux émissions de méthane. Oui. Émission, oui, du gros AV méthane. Oui. C'est bon, Mathieu. Merci. Surtout faire des travaux beaucoup avec ça. Parce que c'est une musique justement qui est rythmée et qui va tout le temps. Fait que des travaux de construction là. Le pire, c'est que je suis sûr que ça serait efficace. Ouais. Le groupe que je vous présente, c'est Chic Chic Chic. Fait que c'est 3 points d'exclamation. Eux ont proposé plusieurs prononciations de leur nom. Il y en a vraiment un paquet. Il y a Chic Chic Chic, mais ils proposent aussi Pow Pow Pow, Bam Bam Bam, U, Kau Kau Kau, Bou Bou Bou, Lel Lel Lel, Faw Faw Faw. Ring ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ça se demande au vendeur. C'est quoi la quantité d'isolant qui est dans votre botte? Si c'est pas, demande à son voisin. Ça. Si tu réponds, tout ce que j'ai, c'est l'isolant blanc, t'es chez HMV. C'est pas ça, c'est pas bonne blague. Si tu dis, ouais, j'aurais besoin de 200 grammes, puis là, il s'en va dans le bar. Il va chercher l'isolant blanc. Oh, là, ça marche pas. Là. Non, non, c'est après, pas ça. C'est pas 200 grammes. Aïe, aïe. Et pour finir, pour l'isolant, il y a aussi les fameuses bottes à feutre. C'est le fond, on peut la sortir pour la faire sécher. Oui. Quand il est trop chaud, mais quand il va mouiller. Super. Même chose que l'isolant blanc. Pareil. OK. On accueille un survivant, un revenant. Ah, ouh, c'est l'Halloween. Ouh, il revient là-bas. C'est pas vrai. Je fais super que ça aux enfants. Ah! Je sais pas, ben remets tes pantalons. On est toujours sur le FM. Vous avez entendu Médine. Ouais, on devrait faire ça, nous aussi. Genre dire, vous êtes à la radio. Vous êtes sur les ondes du... Tu sais, juste être vraiment flou, tu sais. Oui. Vous écoutez la radio. Ah! Oh! Ah, moi qui regardais mon téléviseur, ma boîte à images. Les grands-parents insistent que leurs petits-enfants et les enfants, puis tout ça, ou leurs enfants... Écoute, t'as même pas de jump, puis quand est-ce que m'en fait un? Quand est-ce que tu m'en fais un? Oui. Ben, va-t'en dans ta chambre, moi, tu es. Ah oui, grand-père. Insiste pas trop, parce que sinon, mauvais goût. Non. Insiste pas là-dessus. Mais les noms composés et triple composés, les prénoms. Ben oui, hein, tu sais, séparer des prénoms que tu pensais pas que tu pouvais séparer, là, comme Michel. Mi-SO, puis là, t'as Mi-Pétro-Canada, ça commence à être compliqué. Genre, c'est ça. J'ai jamais vu Michel. Michel, t'as pas une oh mon Dieu. Hey, t'as un cerveau qui fonctionne un peu. C'est comme du sans-plomb, ça. Oui, c'est vraiment impressionnant. Pirotite, parce qu'on en retrouve à l'UQTR. C'est une big pirate. Big pirate. Oui, cœur de pirate, c'est ça. Oui, cœur de pirate. Ah oui! Oui, c'est excellent. Merci. On est toujours dans la chronique Zone Campus avec Stéphanie Paradis. Hey, rebonjour Mathieu. Salut Steph. Hein, insérer gag mauvais ici. Oui. N'est-ce pas Jean-Philippe? Ah, j'avais pas gâché la blague. Oui, hey, hey. Ben oui, ben hey. Hein? Et blague ton matelas. Ah non, il fait pas ça, Jean-Philippe. Pas de punch. Pas de punch. Donc, restez là. Le sketch est fini. Vole pas ma place. Non, j'essaye, je suis nerveux. Ouais. Ton imitation de moi, t'as quand même popé. Oh, on a réussi à avoir du plaisir. Okay. Steph, verdict. Verdict? Moi, j'ai faim. Par rapport à nous deux? J'ai faim. Parce qu'on a deux belles pièces de viande. Oh, oui. Bon steak saignant. Stéphanie Paradis est aussi avec nous. Ben oui, je suis encore là. Excuse-moi. Ben oui, je suis encore là. Tu vois, JP aurait pas fait ça à ma place. Il aurait monté ton micro comme faux. C'est la deuxième fois ce matin que tu m'ouvres pas. Tantôt, je t'ai fait « Hey, hey, mon micro. » Veux-tu que je trouve quelque chose, moi? Oh! Bon, ben. Pas sûr. Oui, c'est ça. Lily puis moi, on va juste sortir. Réglez ça entre vous autres, mais vous en nombre. Vous ce que vous voulez. Oui, c'est ça. C'est ça. Drôle parce que Jean-Philippe se grattait le nez, mais dans les heures. Ben, je faisais même... du air gratting, genre, dans sans les... Non, mais sans les doigts, oui. Genre. C'est ça, la bouche, pour un, on pourrait dire. J'avais le picotement du nez. Faut-toi contre le micro, ils sont bien rugueux. Ça va être le fun pour la prochaine matin. Oh. Crème, hein? Pis c'était pas sa face. Bon, merci Stéphanie Paradis. Ah, troisième fois, mais fallait que je le fasse une troisième fois. Oui, je pense qu'il fait exprès. En fait, on te l'a pas dit, hein, mais ce matin, quand on est rentré, hors d'onde, j'ai dit à Mathieu, t'es pas game de jamais ouvrir le micro à Steph. C'est ça, tu vois. Fait que c'est de ma faute. Drôle, hein. J'en reviens plus de bord. Ça ou encore, j'ai un trouble obsessif compulsif qu'il faut que je fasse tout trois fois. Ça ou j'ai un trouble obsessif compulsif où il faut que je fasse tout trois fois. Ça ou j'ai. Okay, la blague était longue, était vraiment longue. Hein. Au deuxième coup, je l'ai comprise. Ok. Wow, attends, t'aurais dû la pousser, c'est pas grave. C'est comme les spectacles à Juste pour rire où le gars il est un gars et une fille, mais d'un bord c'est un gars, d'un bord c'est la fille. Wow! En deux, puis c'est là. Ouais. Oh mon dieu, j'ai pas vu ça, mais ça doit être écœurant. Hein? Ça veut-tu dire que t'as un pénin? Ou un vagis, hein? Ou un vagis, ça sonne. Vagis, ça sonne comme le nom d'une crème X. Talk to your doctor about vagis. Si ça dure plus de 4 heures. Puis là, on pourrait faire comme les. Je m'excuse, Mathieu, il fallait que je la fasse. Comme les émissions américaines. Puis là, on pourrait dire tous les effets secondaires. Oui, vas-y. Maux de tête, diarrhée, maux de ventre, crampe, mort. Bouche sèche. Mort. Champignons au-dessous des bras. calvitie. Poils qui te sortent plus vite par le nez. Perte de dents. Et dans un cas, insomnie. Mais c'est rare. L'album dont je veux vous parler, c'est La Chorona ou La Llorona. Dépendamment de où est-ce que vous habitez. Est-ce que je vais chez Rona, my chez Rona? Hey, t'as tellement volé toutes mes poches right there. Il a co-composé et non pas décomposé ni composté. Ou co-composé. Comme quand tu prends des photographies de cocon. Ah, Mathieu! La Chorona signifiant la femme qui pleure, la femme qui gémit. En québécois, ça veut dire la femme qui braille, puis okay. En français de France, c'est la femme qui chiale. Donc, en gros, c'est une femme qui renifle un peu, là, puis qui pleure, là, des enfants dans. C'est une femme, bref. Oui, c'était. En fait. D'ailleurs, Mathieu plantait un poisson. C'est vrai? Signe astrologique des plus sensibles, d'ailleurs. Il faut pas leur dire, mais il faut pas les froisser. Ah ben, monsieur est susceptible. Ben, c'est ça. T'es-tu en train de me dire que je soupe au lait? Tabac! Non. Ça va être la vraie, non pas. Faut arrêter. Arrête. Le congrès avait été décalé de plusieurs semaines à l'époque. On se souvient tous cet été qu'il y a eu des débordements de rivières, changement climatique ici, à Calgary. Donc, il a dit, on va repousser. On peut dire que ça décale, Gary. Oui. Oui. Je voulais la faire pour la noter. Voilà, c'est quand même pas pire. De ce temps-ci, moi, j'ai des rages d'ailes de poulet. On fait ça un 5 à 7 d'ailes de poulet? Oui, parfait. Good. All you can L. Non, excuse-moi, je vais reprendre ta blague et la noter en même temps. C'est L you can eat. L you can eat, oui, OK. C'est bon. Ben écoute, c'est ça, les deux font la paire. Excédente, genre parfait. Un excès de cire. Je vous arrête pour un excédent de cire. Sir. Sir. Oh! Bravo! Merci. La première qui est bonne en une semaine. La crème des meilleurs moments de cette semaine. Il y en avait le double, hein? On a chopé à moitié et là, on a gardé que le meilleur. 8 minutes de bonheur. De bonheur le matin. C'était difficile à couper quand même. Quand même. Beaucoup de bons moments et vraiment savoureux. De la part de Jean-Vip Charbonneau et moi-même, Mathieu Plante. Bravo! Surtout lui, merci. Lundi au jeudi, entre 6h30, merci, et 9h30, on dirait un poisson qui est en train de se noyer ou, sur le bord de la mer. Ou autre chose, oui. On sait tous ce que ça veut dire. Donc, lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30, c'est l'émission matinale en pièces attachées. Bien sûr, Stéphanie est là le mercredi. Ça dépend à quelle heure, là. Une semaine sur deux, je suis là à 8h, puis l'autre semaine sur deux, je suis là à 9h. Puis si je fais une fantaisie, peut-être que la semaine prochaine, je vais être là un jour random. Oh! C'est journée Ramdam. T'as peut-être dit random. Ouais, non, je suis pas fan de Ramdam. Non! T'es bon? Non, come on! Non. Come on. Est-ce qu'on va nous faire un cheese quiz dans cette journée random-là? Probablement, potentiellement, la semaine prochaine ou bientôt. Peut-être. Surveillez ça sur assemblagerequis.com. On retourne au palmarès, c'est fou. On était rendu aux positions numéro 8 du côté anglophone. Ce sera Austria et ça monte de 5 places avec Painful Like. Et je t'ai vu compter avec tes yeux. C'est dur. Et du côté francophone, on va entendre L'Art pour l'Art de Mehdi Kayan Club. Ça a monté de 1. Ça, c'est facile à compter. J'ai pas de mérite. Non. Fait que, mais tu mérites. Oh, merci. À l'art pour l'art, parce que j'ai honte de notre monde, parce que je voudrais le guérir avant d'en mourir. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas où commencer, pour faire naître les rires, pour couper les barbelés, les faire sortir de l'enfer, ces fillettes prises à mendier. Je suis-tu aux prises avec ma carrière, je suis-tu un idiot en dimanche? CFOU 89.1. C'est la chanson des dentistes. Oua Carrie. C'est vraiment con ce que tu viens de dire. Je veux le refaire, par exemple. Je veux non! Le refaire, oui. Oui, je veux le refaire, je veux le refaire, je veux le refaire. Oua Carrie. T'es tellement immature. T'es tellement immature, on dirait que tu serais le genre de personne à écrire sur des papiers roche, papier, ciseaux, puis de coller ça sur les poubelles là, pour trier. Là. Oui, parce qu'évidemment, nous, on ferait pas ça parce qu'on est des gens universitaires et tout, là, parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir du fun à l'université. C'est, tu sais que c'est l'université, c'est une place sérieuse, il faut avoir un balai dans le cul. C'est pour ça que les gens collent leur gomme en dessous des tables. C'est même rendu à cet âge-là, je trouve ça pathétique. C'est tout à fait ça. Bref, la poubelle devant le studio, il y a des papiers et c'est marqué roche, et puis papier, et puis ciseaux. Essayez de trouver quoi acheter où. Mais c'est clair que les vieux CD, ça va dans Roche, parce que Roche, c'est un groupe de musique, oui. Puis ils font des CD. Ils sont vieux. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ciseaux autre que des ciseaux? De la musique, genre de Melissa Etheridge. C'est une blague de lesbienne, mais pas contre les lesbiennes, mais au sujet de lesbiennes, ciseaux. Ouais. Et dans papier, ben tu mets du papier. Donc, on est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. C'est Dear Tiki. The Dreams in the Ditch, c'est l'ancien numéro 1. Oui. Hein? OK, t'as pas présenté ce qu'on vient d'entendre? On n'avait pas dit ça, ce qu'on avait entendu. Non, on parlait de roche-papier-ciseaux et d'immaturité. On veut tellement faire une émission d'humour ou qui se prend pour des gens drôles qu'on oublie de présenter les pièces. Donc, 8e position anglophone, c'était Hush Try et Painful Like qui monte de la 13e place. Et du côté francophone, ça a monté de 1. C'est de l'art pour l'art de Midi Cayenne Club. Et pour la nouvelle information, pour la première fois entendu à la radio, les 7e positions maintenant. Du côté anglophone, ce sera The Arctic et The Dreams in the Ditch qui est lancé numéro 1. Alors que du côté francophone, ça va être Armée de Montgolfière de Jason Bagada. Waouh, mais ce sont de toutes nouvelles information pour moi, ça. Je ne savais pas. Au palmarès, c'est fou. Le soleil sur le point d'éclat est une épanche suppliant qu'on le sort. Nous maquillons les morsures d'hier. Nos parachutes nous suivent derrière et traînent nos armes qui ne servent plus à rien. Gonflons nos têtes pleines. Comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. L'aurore porte conseil malgré une mise en sommeil. Nous sommes prêts pour le conseil qui guérira nos cancers. Franchissent l'horizon. Qu'importe l'angle vers lequel nous penchons. Nous ne buvons pas ce qui étanche. Nous sommes coureurs de courte distance. Nous sommes coureurs de courte distance. Gonflons nos têtes pleines de terre. Comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. Gonflons nos têtes pleines d'air. Comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. Leur amour te conseille. Malgré une mise en sommeil. Nous sommes prêts pour le conseil qui guérira nos cancers. Qui guérira nos cancers. Nous sommes prêts pour le conseil qui guérira nos cancers. Qui guérira nos cancers. Nous this is it. But it's not the way you can afford your time, or the envy of the friends you left behind. So whenever you go, they can have everything you lose. This is it. L'ancien numéro 1 du côté anglophone, c'était The Dreams in the Ditch par Dirtic. Et du côté francophone, c'était Armée de Montgolfière de Jason Bayada. On vient de vous passer sur la page Facebook des Palmarès C'est Fou la photo de Roche Papier Ciseaux, nos poubelles en avant du studio. Donc, allez voir ça. Avec ça, ça en aide. Ça vaut la peine. C'est ça. Maintenant, on est rendu au 6e place. Du côté anglo, ce sera Huckerville River et ça monte d'une place avec Lido Pierce Suicide Car. Et du côté francophone, c'est l'ancien numéro 1, donc ça a descendu de 5 places et c'est Supernova de Brady Cardi. Tant qu'à être sur Facebook pour aller chercher la photo dans les Palmarès C'est Fou, la petite photo, ben likez donc, genre. Ouais. C'est pourquoi je suis allé sur une page pour liker, comment, hein? Ben, à moi de vraiment détester ça, mais si vous détestez ça, écrivez-nous genre « Je vous déteste ». Ouais. Et voilà. Ouais, pourquoi pas? On attend ces commentaires-là. On veut s'améliorer, tu sais. En nous disant qu'on est de la merde, ben, on se dit, ben, ça doit être pour une raison ou une autre. Et au pire, on essaiera de monter notre âge mental. Exactement. Peut-être maturité. Maximum 5 ans. Maturité universitaire de 5 ans. En fait, je dis ça, ça fait comme plusieurs années que je dis que j'ai 4 ans et demi d'âge mental, mais je suis passé à 5, là, dernièrement. Ça avance tranquillement pas vite, hein? Ah, peut-être. C'est ça. Et c'est des panneaux assez fous. En passant. Aussi. Comme une supernova, je m'éclate sans éclat. Je suis tout en émoi, car j'ai envie de toi. Alors que le monde tourne en rond, qu'à chaque fois j'entends ton nom. Comme une supernova, je m'éclate sans éclat. Je suis tout en émoi, car j'ai envie de toi. Lorsque je suis dans la lune, ton odeur me parfume. Ta peau, saveur d'agrumes, est présage de bonne fortune. Alors je crie à l'horizon, dans notre constellation, sans aucune prétention. Alors je crie à l'horizon, dans notre constellation, mon cœur est au diapason. Six.

C'était les positions numéro 6 du côté anglophone, Okerville River et Lido Pierce Suicide Car. Et du côté francophone, c'était l'ancien numéro 1, Supernova de Brady Cardi. Ce qui nous amène à notre bloc, c'était fou. On appelle ça une transition serrée en radio. On appelle ça bang. Donc, on va entendre trois pièces qui ont figuré dans nos palmarès dans le bon vieux temps, c'est-à-dire pour la semaine du 25 au 31 octobre 2010. Ouh! C'est pas mal comme maintenant, mais il y a 3 ans. Exactement. Si on veut. On va entendre plus tard Tokyo Police Club avec Bambi. C'est ma formation, je pense, préférée de tous les temps, sinon dans le top 5. J'adore Tokyo Police Club. Ah? Mais avant ça, en francophone, des gens locaux, donc on apprécie vraiment beaucoup aussi. Voici les frères Goyette. Et la balle est dans mon camp sur leur album précédent, Rencontre du troisième âge. On retourne donc en 2010. C'était fou. Ouh. Halloween. Ah, oh, ça fait Halloween. Et on l'a pas dit encore. Je veux dire Halloween. Halloween. Halloween. Point. Halloween. Point. Ça me prendrait un piton aussi de mon bord pour fermer ton micro. Un gun sur la tente, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur raquette, leur remet mon maigre butin. Une mince pile de vin. Et suivez-vous avec mon drapeau blanc. Mon tiroir caisse. Je fus dans la mire. J'ai pensé près de venir la une dans la gazette. Je pars vite vite sur la gâchette. Je ferme la chope mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi qui mène une fille avec des balles à blanc. J'ai eu un bon coup de semence, pis la balle est dans mon camp. Sur le chemin du retour, j'ai pris un long détour. Me paye un grand bol d'air frais. J'ai vu le film de ma vie. J'ai failli mourir d'ennui. C'est pire que le film français. Je suis à des lunes de Chuck Norris. Je manque de kick mais la balle est dans mon cou. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Grand j'entends sa tête, puis la balle est dans mon corps. footprints out of the hen house now, and you can't go back the same way you came. Round all the pieces up, but they just don't get the same white knuckles. Maybe it's not so bad, so let your head down now, white knuckles. Yeah, maybe it's not so bad, I'll go ahead and let it down. So come and let it all out, let it bleed. Did you get what you want? Did you get what you need? I'm behind the lines, behind the wall. Tell me what's the bet you made? Really that bad after all? White knuckles. Yeah, maybe it's not so bad, so let your head down now. White knuckles. Oh, maybe it's not so bad, but to let it all come down. Night. Everybody needs a crutch, but couldn't good be good enough? Cause nothing ever doesn't change, but nothing changes much. Yeah, maybe it's not so bad, so let your head down now, white knuckles. Oh, maybe it's not so bad. Qui était au sommet et une pièce bonus lors de la semaine du 25 au 31 octobre 2010. Donc, on va entendre la pièce bonus que je vous proposais, c'est-à-dire OK Go et la pièce White Knuckles sur leur album Of the Blue Color of the Sky. C'était une nouvelle entrée cette semaine-là en 19e place. On a aussi entendu les numéros 1 de cette semaine. En première anglophone, c'était Tokyo Police Club et Bambi sur l'album Champ. Et en première franco, Les Frères Goyette et La Balle est dans mon camp sur l'album Rencontre du 3e âge. Quelle excellente semaine que c'était en octobre 2010. Mais écoute, Tokyo Police Club et OK Go, c'était assez fantastique, merci. Si tu veux me connaître, moi, Mathieu Plante, je te dirais que c'est dans mon top 5, Tokyo Police Club et OK Go, de toute ma vie. De toute ta vie? De toute ma vie. Il faut que je leur garde une place. J'ai pas le choix. Donc voilà pour le bloc que c'était fou. On fait ça une fois de temps en temps au Palmarès C'est fou. Et c'est là-dessus que se termine la portion top 10. L'édition de cette semaine. Ben, bye. Bye. On se retrouve soit dans quelques minutes pour les gens du jeudi et du dimanche. Sinon, c'est demain pour les gens qui écoutent la version quotidienne, lundi au mercredi à 17h. Ou jeudi à 15h, mais ça sera pas la même émission. Ouais. À plus tard. Top 5 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oh oui, ben on est rendu au sommet, donc on a réussi à grimper toute cette pile de mauvaises pièces. Non, c'est pas vrai. Voyons. C'est pas parce que c'est au sommet que c'est meilleur puis que le reste est mauvais, voyons donc. Mais je t'ai essoufflé par contre. T'es essoufflé, hein? Là, je manque d'oxygène. En haut de l'Everest, là. Mm-hmm. Moi, j'ai les extrémités frigorifiées. Frigorifiées, c'est ça. Et j'ai faim. Ah, ça aussi, j'ai faim. Rendu en haut, là, faut-tu te payer un petit snack de collation des grades? Doit avoir un barbecue en haut de l'Everest? Ben, j'imagine qu'ils vont installer ça. À un moment donné, on est en 2013, presque 14. Il faut bien qu'ils aient mis la technologie au sommet. Pour les touristes, pour les quand touristes, même. C'est ouais. Ça, attraction touristique. Ça, un ours pour vraiment faire part au monde. Un barbecue. Puis j'aimerais ça m'acheter soit un porte-clés à l'effigie de l'Everest, soit une petite cuillère à l'effigie de l'Everest, ou une roche avec des yeux à l'effigie de l'Everest. Okay. C'est ça. Puis un bord de danseuse. Un bord de danseuse? Voilà. C'est en haut de l'Everest? En haut de l'Everest. Ouais, mais ça va être, d'après moi, ça va être des sous-vêtements en poêle parce que... Mais ils sont tout le temps assez hauts! Okay. X! Ça remonte le moral. Le punchline, le setup était long pour avoir un punchline de même. Hein. Ouais. On dirait qu'on fait du Jean-Philippe. Jean-Philippe Charbonneau qui a raconté une super longue histoire mais qui n'a pas de but. Pour son numéro 5 anglophone, c'est Random Recipe et Joy qui descend de deux places. Et du côté francophone, c'est Accident de char de Mimi Van Der Glo puis ça monte de 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8! Ouais, je comptais. Boom, boom, et... Ta-da! Smile and sing to you this way. remorse, cause I never cry. Brushing obsession with choking the lights, finding umbrellas to rain on laughs. It's pouring like whiskey on them, on and out, but no reason to grasp and reason it out. Lost again, flooding dead ends. Too many friends, one or two in the end. Empty bed filled with emptiness, making love to the walls. Forsaken hearts, running, screaming, feet are stuck. Mouth is open, there's no sound at all. Nightmares repeating, try to wake up. Shaking your head till the boots stops. I said all is fine, but you're my hearse. And you're smart to invert lies. I'm a beater and password to hit behind. So you find birth, take your words are tight. I make you drip like a king with no crown. I said all is fine, but you're my hearse. And you're smart to invert lies. I'm a beater and password to hit behind. So you find birth, take your words are tight. I make you drip like a king with no joy. Simply delayed, it will come one day. It's late. It's taking its time, maybe it's lost its way. It hurts to find me a smile and sing to you this way. I close my eyes and hope for a dream once, cause I never. Senses fence around, make it most clear the freedom of steer. You can only look weird doing at your own fear. So jump, skip, skip, skip away. Fall over the stumbles that block your way. And face the facts, but don't lack the act. Cause smack will clap your ass. Clap like a mousetrap. Clap like a mousetrap. Don't clap like a mousetrap. Don't clap like a mousetrap. Run a Recipe, et ça descend de deux places avec Joy sur leur album Kill the Hook. Et du côté francophone, c'était Accident de char de Mimi Vandeglo sur l'album C'est mis tout croche. Hey, on dirait que tu copies ma façon de le dire. Ben, je me suis dit que j'allais être conséquente avec ta façon de faire. Ben, c'est normal parce que des deux côtés, tu sais, c'est comme un accident de char. Qu'est-ce que ça fait quand ça fonce dans un arbre? Ça fait tac, tac, tac, tac. Ah, je pensais que ça faisait un face-à-face. Boum, tac, tac, tac, tac. C'est comme un ninja aussi. Boum, chakalaka. Boum, boum, chakalaka. Ou ring, ding, ding, ding, ding, et wambadam, ding, dong. OK. Donc, position numéro 4 du côté anglophone, c'est The Darcy's et Hunting comme un accident, comme un, quand tu tues un animal, ça fait tac, tac, tac, tac, tac. Ah ouais? Non. Hein? Non. Mais je vais être conséquente aussi de mon côté parce que du côté francophone, c'est No Code de Jimmy Hunt. Pour oh, la chasse. Oh, hein? Pour vrai? Oui, c'est Jimmy Hunt. Okay? Jimmy la chasse, c'est de la mon pièce. Côté. Oh! Puis ton bord, c'est Hunting. C'est malade. Ben voyons donc. Et on est à la radio campus de la ville d'Huntingdon en plus. Non, c'est pas vrai du tout. Oh, t'es con. Ah oui. C'est un compliment. Merci. Très drôle. Très, très drôle. Je ne me peux plus. Tiens une balle. Hein? Au même endroit. Parce que c'est vraiment laid du ragoût de plate, pour vrai. C'est ça qui est plate. Non, mais savais-tu ça que je connaissais pas ça avant d'arriver à Trois-Rivières? Le ragoût de plate? Bon, on mange pas ça, des plates en Gaspésie. C'est l'affaire avec de la pâte et de la viande à l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est un peu comment tu l'as décrit, hein? C'était mou, fade et... Sans goût. C'est sans goût. C'est ça. Donc, on vient d'entendre du côté anglophone The Darcy's et Hunting qui monte de 16 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Alors que du côté francophone, on a entendu No Cord de Jimmy Hunt. Donc, on a fait entendre nos corps. On a fait tous nos bruits de corps. Oui, exactement. On a goûté, évidemment, à ce dit ragoût de patate. C'était le bloc de chasse, en fait, des palmarès c'est fou, qu'on dédie à Bugs Bunny et Helmer Fudd. donc, Jimmy Hunt et la pièce Hunting de The Darcy's. Tu vois, genre? Position numéro 3 maintenant du côté anglophone, c'est The Albertans et Casual Encounters qui montent de 16 positions. C'est de nouveau la semaine passée. Alors que du côté francophone, on va l'entendre Tennessee de Lil Adissa. Et ça, c'est la piste que tu avais dans la tête toute la soirée hier, Mathieu. Donc, j'ai hâte de l'entendre. Donc, je baisse la trame et on écoute Tennessee. Walks a man, he holds a La pièce au 1001 fake out. C'est fini. Rien mouille. Mais vraiment bonne, c'est The Albertans avec Casual Encounters et ça monte de 16 places en 3e anglo. Et du côté francophone, ça montait de 3 et c'est Tennessee de Lil Adissa. Alors, on est déjà rendu au numéro 2. Les choses s'enfilent comme un taux accéléré. Sans fil et sans suivre. Sans fil, wireless, Wi-Fi, Wi-Fi. Wi-Fi? C'est qui, Sophie? Je sais pas, mais oui. Oui, je dis oui. Donc, du côté anglophone, la deuxième place, c'est Think of You par Miss Mister. Ça monte de 12 places. Pas mal, le deux fois le même mot. Ouais, redondant. Ça monte de 12 quoi? De en 12 outre, ça monte de 12 hot dogs. C'est ça. La saucisse lui monte. Hein? Est-ce qu'on revient aux blagues de ragoût de plat de tantôt? Hein? Non, non, on fait là, on fait les jokes de saucisse pour compléter les jokes de plat. Le trifecta. Donc, du côté francophone, ça a monté de 2 et c'est La fièvre des fleurs de Claude Pelgag. Oh, wow! Oh! Déprimante un peu. Je l'ai connu en fièvre. Ben, c'est triste. C'est histoire triste. Écoutons-la à la place. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une trace dans ses cheveux blancs qui traînaient partout par terre dans toutes les pièces de la maison. Elle m'a dit je veux m'évader, je suis allée manger toujours la même chose, mais elle revenait toujours dans sa vitalité. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu portes un nom de fleur qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas. Elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie. Let's stand up, let's stand up. As your crutch, like some sick love potion, I was addicted to your touch. Carried away the misplaced rage and the burden of hate, the decadence of decay. Le numéro 2 du côté anglophone, on vient d'entendre Miss Mister et Think of You qui monte de 12 places. Et du côté francophone, ça a monté de 2, c'était La fièvre des fleurs de Clopelgag. Il nous reste seulement les premières places à entendre, mais il nous reste encore 25 minutes à l'émission, donc on a un petit peu de temps libre pour vaquer à d'autres occupations, c'est-à-dire entendre des pièces bonus. OK, je pensais qu'on allait parler d'autres choses. Où on s'en va? On va où? Bon, on va manger des hot dogs. Des hot dogs puis des hamburgers! Puis boire de la bière. Ben oui, Colin, c'est ça qui est le fun après l'émission. Gros party pour nous autres. Donc, avant de passer aux premières places, comme je disais, pièce bonus, on va aller entendre ce qu'on a sauté en 15 et 14 plus tôt, donc dans nos précédentes portions. Oui. Plus tard, on entendra Braids avec Fruin qui est en 14e anglophone. Mais on va commencer en 15e francophone et c'est les coloriers d'Alex Nevsky. Au palmarès, c'est fou, édition top 5! Sauf que ça, c'est pas dans le top 5. Dis-moi si j'ai tort, en lune, en la nuit, étoile en mon corps, oublions nos vies, réécrivant l'histoire, il faut tout réinventer. Il faut se réinventer. Il faut se devenons libres, il suffit d'y croire, en rayant l'empire et brûlant les cœurs, il suffit de dire pour que s'effondre le temps. Il faut L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. Fruin de Braids, 14e position anglophone en pièce bonus. Et du côté francophone, on a entendu la 15e. C'était Les Coloriers d'Alex Nevsky. Ça a descendu de 13. Oh! Mais ça fait longtemps qu'elle est là. C'est vrai. Avant de passer à un autre bloc de pièces bonus, on va y aller avec un petit ailleurs dans les palmarès, parce que vous le savez peut-être pas, mais les palmarès c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 franco et un top 20 anglo, c'est aussi le top 30 des albums, le top 3 des disques canadiens, le top 10 lard et le top 5 des musiques du monde. On va donc commencer avec les nouvelles entrées du top 30 des albums. Donc en 20e place, c'est Soliz et l'album Blame Confusion. Ensuite, en 19e, c'est Dr. Dog avec l'album B-Room. Et finalement, 18e, June in the Fields avec l'album June in the Fields. Et finalement, les trois premières positions en 3e place, ça a monté de 16. Et c'est The Albertans et l'album Dangerous Anything. En 2e place, Miss Mister et Second Hand Rupture. Et finalement, en 1e place, c'est Set the Whale et l'album Hawaii. Finalement, en le top 3 des disques canadiens, mais là, je dis finalement, c'est finalement pour moi. En 3e place, ça a monté de 17 et c'est The Darcy's et l'album Warring. Mm-hmm. En 2e place, c'est The Albertans et l'album Dangerous Anything. Et finalement, en 1e place, ça a monté de 8 et c'est Set the Whale et l'album Hawaii. Dans le top 10, c'est l'album, il y a seulement une nouvelle entrée, mais dans le top 3, donc je vais la sauter pour l'instant. En 3e, ça descend de 1, Death Angel et The Dream Calls for Blood. En 2e, c'est la nouvelle entrée, Monster Magnet et Lost Patrol. Et en 1e place, c'est stable, 2e semaine de présence pour Motorhead et Aftershock. C'est évidemment un top des albums loud. Maintenant, dans le top 5 des musiques du monde, et ça, ce sont des pièces. On a une nouvelle entrée en 4e, c'est Dinako avec Lala Miava. Ça, c'est l'artiste. En 3e, c'est stable, c'est Tommy Crest avec la pièce Imanin Babis Isun. Et en 2e, c'est l'ancien numéro 1, Cabalistic Snare par Anachronic Electro Orchestra. Et pour terminer, ça monte d'une place en 1e position, l'artiste Stefano Bolani et Hamilton de Holanda avec Caprichos de España sur l'album O Que Será live à Jazz Middleheim Antwerp 2013 sur ECM Records. Tu vois comment je voulais tout mettre toutes les informations dessus, tiens. Wow. Tant qu'à faire, j'ai manqué de salive à la fin. Mais pour vrai, moi, j'avais juste l'impression que tu te donnais plein de syllabes. N'importe quoi. Je te regardais, j'étais comme, qu'est-ce qu'il dit? La prochaine fois, je vais plus suivre sur ma feuille. C'était la musique du mot! Donc, à la maison, imprimez-vous la feuille des palmarès. Ça va être plus facile de comprendre Mathieu après. Ah, j'adore ça. Je trouve ça le fun de faire ce top-là. Il est divertissant pour moi. Ça me donne un exercice de diction. Mais oui, c'est cocasse. On retourne à notre palmarès et allons-y avec... j'aurais envie de dire... une pièce bonus. Oui, moi aussi, ouais. J'ai envie de dire ça. Donc, allons entendre la position numéro 13 du côté anglophone. Et c'est Bad Tubs de Real Canoe. Sur C'est fou. Canoe. Tu veux nous faire un film? Vous êtes sur le FM. Sur le FM. Et c'est qui l'anime, ce palmarès-là? C'est nous. C'est nous autres. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Canoe, Real Canoe. Dans quel véhicule on s'en va pour écouter ça sur notre petite radio FM? En skidou! Hot little rhymes shot off the wall, spitting on the ground, hoping for more than just a vibration. Spécial Halloween. Ah, oh, c'est bon, c'est bon. J'ai chanté dessus la semaine passée aussi, fait que c'est vraiment très, très redondant comme gag. Mais c'est notre chanson d'Halloween. Mais c'est pas tant un gag que tu démontres ton plaisir à l'écouter, cette chanson-là. C'est ça. Ah, c'est les palmarès, c'est fou. Non, mais c'est vrai, quand on chante sur une chanson ouais. comme ça, même si on niaise, je pense que ça vient démontrer qu'on apprécie cette chanson-là. Oui. Parce que quand on n'aime pas une chanson, vraiment, on fait juste pas l'écouter. Ça arrive souvent. On prend même pas la peine de faire des gags dessus. C'est ça. Et le pire, c'est que cette chanson-là a beau être descendue pas mal. C'était Royal Canoe et Bad Tubs. Elle est lancée numéro 2, maintenant en 13e place. Et numéro 1 dans mon cœur. En ce moment. C'est vrai. C'est beau. Ouais. Donc, c'était un bloc d'une seule pièce, mais une longue pièce. Un bon petit 5 minutes. J'espère que vous avez apprécié ça. Il reste seulement les numéros 1. Et numéro 1 veut dire quoi, Steph? Jeu de mots poche. Ben oui, si j'avais 10 cents ou encore un dollar à chaque fois que je faisais un jeu de mots poche, je serais millionnaire. I'd have a dollar, I'd have a buck for everyone, for every joke, you know. Des grosses pièces en chocolat, toi. Ouais. Je pourrais en donner à toute ma famille, que ce soit mes soeurs ou mes frères non existants. Tu sais? Non existants. T'as pas de frères, non? J'ai pas de frères. Non, mais si j'en avais, ils seraient tous des gars. Yet. Des frères Goyette. Ah! Non, hein? C'est pas fameux, ça, hein? Ben non, c'était quand même cocasse. Ben, merci. Il faudrait être quelqu'un de proche de moi pour pouvoir aimer mes blagues. Tu pourrais être ma collègue de travail, une bonne amie ou encore ma mère. J'aimerais pas ça être ta mère. Non, j'avoue, c'est déplaisant. J'aurais honte. Ouais. Je t'aimerais pas comme mère non plus, je pense. Non, je suis trop dictatrice. Un petit peu dictatrice par moment. Oups! Par moment. Maman! Mother! Oh! Mother! Le nom de la pièce est Mother, j'ai fait un jeu de mots sans le savoir. Excellent! Écœurant! Dit la baleine. La baleine de loin dit excellent! Bloup bloup! Dans l'eau, elle est dans l'eau, fait qu'elle fait bloup bloup. Ah, mais je pensais que c'était seulement les poissons qui faisaient bloup bloup. C'est pas un poisson, c'est un cétacé. Un cétacé? C'est vrai, c'est pas un mammifère. C'est un mammifère aussi, là. Un cétacé, c'est un mammifère? Ouais, c'est ça. OK. Fait que donc, elle peut faire quand même. C'est excellent, bloup bloup! Oui, c'est OK. Elle peut. Mais elle fait ça avec son trou sur le dos. C'est avec son trou sur le dos! Oui, donc, pour ceux qui n'auraient pas trop compris, je vais m'éclaircir moi aussi les idées. Donc, on s'en va entendre les numéros 1 du côté anglophone. Sa montée de 8 et c'est Mother de Seth the Whale. Et avant, du côté francophone, sa montée d'un petit 2 et c'est Gros Buck des frères Goyette. Oh wow, mes jeux de mots étaient tous plus fidèles, tenaces et frères les uns que les autres. C'est le nom de l'album des frères Goyette. Fidèles, ah d'accord. Oh ouais! Hawaii. Oh ouais! Hawaii, c'est le nom de l'album en anglais. Hawaii! Bravo! Merci. Je suis là toute la semaine, du lundi au mercredi à 17h et les jeudis entre 15h et 18h. Avec moi. Ouais, toi, t'es là, toi. C'est pas mal. Ben loin d'un Hollywood, on m'a entendu chanter mal. Mais tiens, au minimum, toujours été low profile. Au moins, essaye. Mets de côté mes gammes. J'y vais d'instinct sans jamais oser vouloir plaire aux dames. Jamais seul dans basse-cour, chante le jour pis dans la nuit. Coiffe mon coq, bombe le torse, prends du coffre. Puis chasse ma peur, lève mon col de blazer. Mets de la paillette, une belle grosse wave dans le toupette. Un bungalow dans Graceland, fan d'Elvis. Memphis qui débarque, Memphis des coulisses. Un bon ego, 10, 15, 20, 30 livres de trop. Rentre fit dans sous en way. Bouge comme le king en way. Bouge. M'inspire ailleurs, à l'idée. Cash, j'en connais une coupe cash. Mon ars, sème le doute. Mais le man dans le temps, sans jamais me tenir au courant. Marche mes classiques. Fais la barbe aux jeunes dans le cirque. Concert chanceux à Londres. Une bière en fût, ben loin le monde. Check one, two. mon minute m'a de prendre moins de kick. J'suis pas le king d'en place, ma carrière a l'air d'une vraie farce. Ça manque d'écoute, ça jase en masse, ça se crisse de tout. J'y pars en peur à mon meilleur. Brûle les planches, une et une, tour à tour. Les geeks sont brunes, mais l'espoir d'en avoir une bonne me reste dans la tête, j'garde l'espoir, me garde du fun. C'était les premières positions de chaque côté pour cette édition du 28 octobre au 3 novembre 2013 des Palmarès C'est fou. On vient d'entendre en anglophone Sid Well et Mother qui montent de 8 places. Et du côté francophone, ça a monté de 2 places. C'était Gros Bas que des frères Goyette. Ah, des bons choix pour le numéro 1 quand même. Mais c'est tout le temps des bons choix parce que presque tout ce qu'on fait jouer, ce sont des bons choix. Pour nous, qu'on aime. Et voilà. Mais c'est pas parce que c'est dans le Palmarès qu'on aime ça. Voilà. Alors, on va pour cette édition des Palmarès C'est fou. On va se retrouver jeudi prochain en direct toujours entre 15h et 18h pour l'édition complète. Cette même édition complète rejoue les dimanches à midi. Et on t'en rappelle en version quotidienne du lundi au mercredi entre 17h et 18h. C'est le New Shit le lundi, Top 10 le mardi et Top 5 le mercredi. Très bien résumé, Mathieu. Ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, Stéphanie Paradis. Beaucoup, beaucoup. Hey, mais ça me fait plaisir, Mathieu Plante, d'être à tes côtés comme ça. Tu dois être devant. C'est un côté devant. Mais non, mais c'est une figure de style. Ouais, OK. Parce qu'à tes devants, c'est comme si je passais toujours devant toi parce que j'étais meilleur que toi. Oui. Mais c'est un peu ça, finalement. À tes devants et religieux derrière. Sur cette belle blague, on se quitte avec Benja Boulotte, qui est en position numéro 11 anglophone. Et puis, à la prochaine. Bye! Bye. Not to think about love, but to see the way you play. I have taken a vow, now I want to hear you say. Are you troubled at home? If I make no hesitation when you ask me not to think about love. I don't think about love when I see you kiss another. It won't matter. Did they?